FrenchPod.com. C'est avec une énorme joie que nous allons assister aujourd'hui à l'ouverture des 29e Jeux Olympiques d'été de l'ère moderne. Cette année, le privilège revient à la Chine d'accueillir la plus grande manifestation sportive internationale. Mais je crois, cher Léon, que vous tenez dans un premier temps à nous faire un petit rappel historique. Je vous passe donc la parole. En effet, Ariane, avant le début des festivités qui marqueront cette ouverture, il me tient particulièrement à cœur que nous profitions de cette occasion pour rappeler à tous nos chers auditeurs que les Olympiades furent remises au goût du jour et réintroduites par l'intermédiaire d'un Français, le baron Pierre de Coubertin. Tout à fait, c'est en 1896 que cette compétition d'envergure mondiale fut réorganisée à Athènes, en Grèce, le berceau de cet événement, sous l'égide du Congrès olympique, l'ancêtre du Comité international olympique. À noter par ailleurs que les femmes ne purent participer à ces premiers Jeux, mais qu'il fallut attendre les seconds, qui se déroulèrent à Paris 4 ans plus tard, pour les voir concourir aux côtés de leurs homologues masculins. Bien sûr, au cours du XXe siècle, les Jeux connurent une évolution fulgurante à tous les niveaux, notamment par rapport au nombre de concurrents, au budget investi ou encore à leur couverture médiatique. Je ne vous dément pas, Ariane, mais la devise est restée la même depuis leur réintroduction, situs, altus, fortus, plus vite, plus haut, plus fort, ainsi que l'esprit de la compétition qui se retrouve dans l'expression « l'important n'est pas de gagner, mais de participer ». Et nous espérons tous que c'est l'état d'esprit qui animera encore cette grande fête du sport. Mais sans plus attendre, voilà la cérémonie qui commence.